De retour à Pic de guitare, votre grande traversée du jeudi. Habituellement, c'est Plectrum avec André Péloquin, mais c'était bouillant tel bras, fait qu'il n'est pas là. Fait que c'est moi, le gars qui parle dans le micro, qui prend la relève, puis on reçoit les gars des Saint-Catherine's, Hugo, Fred, puis Marc. Salut, Marc. Baudet. On va y aller par le nom de guerre, Baudet. Fait que gros chat, puis Fred Jacques. En plein ça, Fred Jacques. Salut, man. Ça va bien? Ah, pas pire, pas pire. Toi? Oui, pas pire, pas pire. Les gars, quand même, grosse affaire qui s'en viennent pour vous. Mm-hmm. Nouveau disque. Nouvelle étiquette, quand même, il faut le dire. Est-ce que c'est une consécration pour une bande de Montréal punk de signer sur une étiquette, pourrons dire, mythique du punk californien? La consécration n'est pas dans la signature du contrat. La consécration est dans le fait de ce qu'on a fait pour se rendre là. La signature est juste le résultat. C'est la cerise. La consécration, c'est... C'est le fait d'avoir travaillé 7 ans pour ça, puis où ce qu'on était rendu, c'était ça. Parce que c'est quand même 7 ans non-stop. Je pense que vous êtes le band à Montréal qui a plus touré au Canada ou aux États-Unis. Dernièrement, dans les dernières années. Donc, pensez-vous que c'est ça? C'est le fruit vraiment des récoltes, de toutes les tournées que vous avez faites aux États-Unis, tous les contacts que vous auriez pu avoir avec des gars. Est-ce que c'est eux autres qui sont venus vous chercher ou vous avez fait des démarches pour... C'est plutôt eux autres qui sont venus chercher. Ben, tu sais, c'est justement, ça vient des efforts qu'on a faits durant toutes ces années, puis aussi de nos beaux yeux. Surtout les beaux yeux, je suis sûr. Ouais, ceux de Fred, surtout. Donc, ils sont venus vous chercher, vous ont approché il y a quand? Il y a environ un an? Ou... Ils ont commencé à trouver Fred pas mal beau. Ils l'avaient vu... Ça fait une couple d'années. Ça fait une couple d'années, ils l'avaient vu en show. Surtout tout. Dans le temps de Cancer Fred, les tripes bien. Il était bien populaire sur MySpace. Fait que là... Il y avait beaucoup d'amis. Ouais, il y avait plein d'amis. Puis j'ai plus d'amis que le band, en fait. Là. C'est vraiment pas pire. Là. Puis en septembre, ils nous ont dit, coudonc, Fred, il est tellement si beau. go, je peux te sortir votre record. Fait que le disque, vous l'aviez fait avant. Est-ce que c'est un disque qui était fait pour faire record? Non, les tunes étaient écrites avant. On avait juste des démos des tunes. Puis là, Fatman nous a demandé d'y envoyer les démos. Puis à un moment donné, il nous a rappelé pour dire « je veux sortir l'album ». Donc, ça s'est fait quand même, pas, je dirais pas nonchalamment, mais sans trop... Là, de... Ouais, mais c'est souvent de même que ça marche le mieux, parce que quand tu socles le monde, à un moment donné, le monde est trop fatigant. Si tu fais ton affaire de ton bar, puis tu travailles pour du mieux que tu peux pour tes affaires, en général, le monde va venir à toi. Il n'y a pas eu de niaiserie de showcase ou quoi que ce soit? Ou... Moi, vous avez pas eu à descendre à L.A. puis vous vendre là, à, non, non, à ben, des execs de Fat Records? On était déjà... On était déjà amis avec pas mal de bands sur Fat déjà, puis on avait fait des tournées avec eux autres et tout, puis je veux dire, là-bas, ils trustaient aussi leur opinion puis tout, puis c'est eux autres surtout qui nous ont vendu un peu là-bas, fait que c'est un peu à cause de ça, là, on n'a pas eu besoin d'aller là-bas pour se vendre. Vous aviez déjà en trouvant des portes à cause des tournées, puis ouais, des amitiés d'autres groupes punk dans la confrérie punk américaine. La réputation était plus à faire, hein, presque légendaire. Donc, ben là, le nouveau disque va sortir quand exactement? Dancing for Decadence, il sort... Le grand 21 mars, mon ami. Donc, le printemps, hein? Oui, c'est le printemps. Ouais, ouais. C'est ça qu'on s'était prévu depuis quelques années. C'est un peu comme la toune des Cowboys, Fringant, ouais. C'est là que ça vient, le concept. Vous êtes dit, ouais, les autres, ça marche, ce groupe-là. Ouais, j'aimerais ça suivre dans les traces. Ben, l'affaire, c'est que je me faisais tellement péter à gueule au secondaire par le drummer que j'ai gardé ça sur le cœur que... C'est une histoire vraie. On voulait voler leur concept. Maudit cas. Mais là, on leur pète à la gueule, man. On est même fort qu'eux. On a pris du poids. Il y a plus de tatous, en tout cas. Ça, c'est ça. Et voilà. Donc, on va aller écouter un extrait. Premier extrait, je pense, que vous allez sortir vous-même. Je pense qu'il y a une vidéo qu'il va y avoir pour cette chanson-là. Oui, ouais. Qui est d'ailleurs disponible en ligne sur notre beau site de stcatherines.org. Ou fatrec.com. Tout donc, à fait, oui. Faites courir vos doigts sur vos claviers. Puis allez là. Puis regardez ça. C'est la pièce Ring of Fire equals 4 points. C'est-tu un take sur la toune de Johnny Cash ou non, ça n'a aucun rapport? C'est parce qu'on joue au fer, nous autres, puis quand tu fais quand tu pitches un fer puis il y a des flamèches, ça donne 4 points. Oh. Une règle maison. Une règle maison. Donc ça, tout ça revient à Yesterday's Ring puis au Tournament of Horseshoe de Bob Marsh. Ouais, voilà. C'est tous les mêmes gars, hein? C'est tous les mêmes gars, les mêmes brûlots. Les mêmes jokes. Bon, on va aller écouter ça, puis après ça, on revient avec les gars de St. Catharines. All right! I'm falling loose. ça bûche en tabarnak. Ring of Fire equals 4 points, les St. Catharines. Une gang de bûcherons. Ben, c'est ça, exactement. Prouver aux Américains qu'on est capable de bûcher nous autres et tout. Oh, on voulait le faire, ce concept-là, à un moment donné. Tout s'habiller en bûcheron avec la chemise. Là, puis merci de l'avoir fait. Faire des shooters, le sirop d'érable. Faire la toune des Monty Pythons, mais en punk. Wow, on n'est pas forcé cover, mon homme. On n'est pas canadien. Ouais, c'est vrai, ça, les Anglais. Bon, les gars, s'en viennent avec ce spectacle, la grosse tournée, quoique vous n'en échappez pas, là, vous êtes toujours en tournée, mais la grosse tournée qui s'en vient au Québec, premièrement, je sais qu'il y a beaucoup de dates au Québec. Ça, c'est pas une grosse tournée. Non, mais pas en préparatif. Là, que... C'est sûr que Rimouski, c'est big, mon homme. Non, mais c'est de la route, pareil. Oh, ouais, c'est ouais, de la route. Red Show au Québec... Avec Inefficy, Dirty Tricks, puis Whiskey Trench, du 22 au 30 mars. Ça, c'est... Donc, les groupes vous suivent aussi, là, ouais, en tournée? Oui, on a décidé d'amener nos amis en tournée. Parfait. Pour faire du fun. Puis ensuite de ça, la tournée canado-anglaise-américaine? Après ça, la côte est des États-Unis. Jusqu'en Grande Floride. Jusqu'en Floride, puis on revient. Puis après ça, on embarque tout de suite sur Subhumans. On fait 7 shows. Après, Canada, ensuite des 3 à Chicago. Ouais. Puis après ça, 2 jours après, on s'en va en Europe. 3 semaines. Avec Me First and the Gimme Gimmies. Quelle date que vous allez en Europe? 28 avril. 28 avril jusqu'à mi... Jusqu'à mi-fin mai, là. Mi-fin mai. Donc, vous clenchez la côte est au complet. Faites le Québec, la côte est, vous remontez un peu Canada anglais, vous niaisez, puis après ça, pouf! En Europe. En Europe. Et sûr. Ça va, nous, chez les gars. Mais après ça, il va falloir faire le reste des il va States. Faire le reste des States, tout le Canada. Canada. Puis tout refaire. Le Japon. L'Australie. Tout ça, ça s'en vient. On va tout faire. Donc, quand même, bonne tournée en perspective. Ah, ben des beaux moments. Ouais. Ça s'en vient. Est-ce que les faut budgets qu'on trouve une de vanne. Tournée ont augmenté maintenant? C'est ça clair? La question. Les budgets de tournée, ils ont-ils augmenté? Parce que maintenant, vous êtes avec gros record. Je sais pas c'est quoi un budget de tournée. Pas c'est quoi un budget de tournée, vraiment. Ça existe, ça? J'ai vu quelques fois la couleur d'un 20$, là, mais... Des fois, on se fait acheter une 24 à la gang, c'était clair. Ben non, là, à date, ben, t'sais, on n'est pas été, on ne sait pas, mais ça va être mieux, évidemment. Là. C'est juste qu'il va peut-être avoir moins de shows qu'il n'y a personne. T'sais. Parce que si on est habitué à ça, des shows qu'il n'y a personne, mais je pense que là, ça va être mieux quand même. Au niveau de la promotion des shows, c'est ouais, ça? Oui, c'est ça. T'sais, c'est que ça passera, ça va moins passer dans le bar que ça passait. Sauf que je sais pas à quel point... Je pense pas qu'on va revenir de là avec des millions. Ben non, mais au moins faire une tournée peut-être plus agréable. Ça se dit pas à savoir, on va-tu manger à soir non, c'est ou ça, la ouais. vanne va casser et on n'est pas ben la vanne risque de casser. Ça, c'est oui, mais au moins vous pouvez appeler et dire hey, envoyez-nous de l'argent pour faire réparer la vanne. On va avoir quelqu'un pour nous backer un peu. Là. D'ailleurs, on en cherchait une vanne, hein, fait que vous pouvez nous appeler. On a encore une semaine pour en acheter une. En haut de 2000, on parle d'années ici. Ouais, c'est un beau sujet, là, mais c'est vrai. Fait que si vous connaissez quelqu'un, écrivez sur notre site. Bon, ben l'appel est lancé. Vous avez une vanne de tournée à vendre? Non, on en veut une. OK, ah, ben une vanne de tournée à donner? À acheter. Vous la donnez au St. Catharines. Vous autres, vous voulez la vendre à nous? C'est ça. That's right. Donc, si les auditeurs ont une vanne à vendre, ben vous allez sur le site des St. Catharines et vous dites... le mieux, ce serait de la donner quand même. Là, un acte de bonne foi vers la scène locale, quand même. Donation d'une vanne. On accepte les dons. On va être sur le side. Là, on en a parlé tout à l'heure, on a fait un petit il y a un petit... Qui-propos, qu'on dit. Ouais, un peu, qui aurait des choses entre les St. Catharines, puis bien sûr, il y a Studio Swing, parce que c'est les mêmes membres. Donc, les allusions se font. Est-ce que pendant que vous êtes sur le gros, la grosse tour, le gros... Oupla des St. Catharines, vous mettez bien sûr Yesterday's Ring sur la glace, donc aucun concert à ce niveau-là. Puis aucun concert, non, mais en fait, c'est là que ça prend toute sa ferveur. tout son sens. Parce que quand on est en tournée avec les St. Catharines, on compose pour Yesterday's Ring. Donc, sur la route. C'est pas vraiment, c'est pas un break, c'est vraiment c'est un ressourcement. Ouais, les deux groupes vont main dans la main, hein. C'est pas vraiment. Ça couche tout ensemble, c'est ce beau monde-là. C'est pas une compé. C'est le co-sanguin qu'on dit. Oui, c'est ça qu'on dit. Mais en fait, on met sur la glace oui puis non. Là, pour déjà, les shows. Là. Pour les shows, c'est ça. Il y a d'ailleurs un show de Yesterday's Ring le 19 mars. 19 mars à l'ESCO. À l'ESCO. Donc, à ne pas manquer pour... C'est sûrement notre dernier show pour un Christ de bout. Ouais, on dit souvent ça, mais on revient tout le temps. On aime ça un peu quand même. Oh, mais là, il reste les deux aiment ça aussi. C'est ça. Il va falloir trouver des dates de soir, à moins que vous fassiez des deux pour un, c'est-à-dire opening act. On a déjà donné, et non merci. Ça devrait être taxant. Hein. C'est trop dur pour les conflits de personnalité. Ben oui, c'est ça. C'est comme si tu flattais ton petit démon, puis ton petit... T'as comme tes deux côtés. Ça prend deux faces dans la même soirée. C'est une carte, on n'est pas smart, puis là, t'as deux faces dans la même soirée, c'est fucked up. Ça marche plus. C'est de l'insomnie après. Schizophrénie. On va aller écouter un des groupes qui va vous accompagner en tournée, les deux des Tricks, avec la pièce Gascon, puis on revient avec vous autres en entrevue. Sainte-Catherine, vous écoutez Plectrum, Grande Traversée du jeudi. Malade. C'était Dirty Tricks avec la pièce Gascon. Les Dirty Tricks vont accompagner les Sainte-Catherine's en tournée. Non seulement au Québec, est-ce qu'ils vont vous suivre partout aux États-Unis, tout ça? Non. Pendant qu'Hugo s'étouffe. Non, ils font juste les 8 shows au Québec, ouais. Mais pas les 8 même, je pense qu'ils ils font tous les shows. Ah, les autres, ils en font 5, ouais. Puis Inapiti, puis Whiskey Trench, ils font les 8. Parfait. Donc, justement, parlant de spectacle, après la super tournée qui va arriver, vous pensez au niveau de faire. Est-ce que vous avez signé pour plusieurs disques? Excuse-moi, là, je suis perdu dans l'affaire. Je checkais mes faits. Est-ce que vous avez signé pour une entente de plusieurs disques avec Fat Records ou c'est seulement... comme ils font toujours Fat, c'est un seul album à la fois. Donc c'est toujours un album plus une option. Donc c'est ça, c'est renouvelable. Oui, c'est tout le temps ça qu'ils font, ces gars-là. Puis c'est d'ailleurs le best pour n'importe qui. La meilleure chose pour les bands, parce que si la relation va pas si bien... Comme ça, vous n'êtes pas fourré non plus à être pogné dans une entente. C'est la même affaire pour eux, si on les énerve, ils peuvent juste arrêter. Ça ressemble à ça, ouais. Donc, une entente, on va voir ce que ça va donner. Puis, si ça va bien, ça va bien, ça continue. Puis, ça va aller bien. À date, ça va bien, en tout cas. Là. Ouais, ça va. T'es en contact avec à tous les jours, puis ils sont bien smart. On les aime, ça va bien. Les autres aussi, d'ailleurs, Fat Mike puis NoFX sont sortis ou vont sortir un nouveau disque. Ils viennent de sortir un EP aujourd'hui. Oui, nous autres aussi, on a reçu le EP. Never Trust a Hippie. Avec un beau Jesus sur la couverture. Ouais. Fait de la coke, Jésus, hein? Dans la pochette, il boit de la bière, en plus, là-dessus. Malade. C'était écœurant. C'était écœurant. qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de NoFX à travers les années? Est-ce que c'est un groupe que vous avez vraiment suivi puis aimé? Puis à un moment donné, oh, lâche ça un peu. Moi, j'ai toujours aimé ça. Mais... Moi, j'ai toujours haï ça, mais là, c'est la chose à pas payer. Moi, j'ai toujours aimé ça. Moi, j'ai grandi avec ça pas mal. J'écoute ça depuis que je suis jeune, j'ai tous les albums, puis même les derniers, moi, je les aime. Moi, c'est les derniers que j'aime, justement, à partir de Decline. Decline m'a vraiment kické le cul, fait que j'ai comme un peu apprécié le band, mais c'est pas vraiment... Moi, en fait, Fat Records, dans le temps, ouais, j'haïssais tout le monde qui trippait là-dessus, les petits jocks qui faisait chier à l'école. T'étais plus X2O dans le temps. Ouais, j'étais plus Sublimated, Mimum. Plus banlieue. Banlieue. Nous autres, on n'est pas des gens de fans de Fat de genre 1992. Là. Ben, peut-être Baudet. Ben, moi, mais moi, puis Louis. Pas moi, puis Fred, puis les autres, pas tant, je pense. Non, pas tant. Rich aussi. Bon, on est bien contents de. Ouais, mais c'est ça. Maintenant, je trouve que c'est un label qui a crissement bien évolué. Les bands qui sont dessus, c'est des bands très respectables qui font plein. Tourner tout le temps, puis qu'ils ont quand même des bonnes éthiques, une bonne éthique. Ouais, en parlant d'éthique, Fat Record avait quand même organisé dans la dernière élection, les deux dernières élections, je pense, des mouvements de punk de vote. Qu'est-ce que vous pensez de ça au niveau d'agencer la musique, ou plutôt le pouvoir que Fat Mike avait, parce que c'est un pouvoir de parole qui est arrivé. Ça n'a pas marché pour vraiment exactement. C'était bien beau. Le but, c'était de faire sortir le vote là. De 400 000 jeunes qui votent pas habituellement, les faire voter contre Bush, mais... Ça a marché, en fait. Il y a eu 400 000 jeunes qui ont voté, sauf que finalement, la droite républicaine a voté plus qu'actuellement. C'est ça. C'est pas nécessairement non plus nos vues. Non, ben moi, c'est ça. Mais je trouve pas nécessairement que le vote est. Je trouve pas nécessairement que c'est mieux de voter pour les démocrates que les républicains. Parce non, que... ben, puis c'est aussi, bonnet blanc. Historiquement, le mouvement punk vient du mouvement anarchiste, puis le mouvement anarchiste, il dit pas d'aller voter. Là. Fait que c'est un petit peu. Bizarre. Paradoxal, ouais, si on pourrait dire. Mais dans la situation américaine, ça rapporte. Les intentions sont cool. Puis on vient pas de là, fait que c'est facile de juger de l'extérieur. Donc, quand même, une bonne affaire pour Fat Mike et NoFX. Oui, ça a fait vendre des records aussi. Ils en ont vendu bien gros de War on Horizon. Okay. Ça a fait connaître l'étiquette. Puis si on connaît l'étiquette, on check ça. Puis après ça, on voit, hey, Saint Catharines, what's that? Download ça. Puis... Download, tu burns ça. Ben non, mais download. download, burn. Vas-y, ouais, mon homme. Un petit trains, là. Je savais au un petit trains en back pocket. Les gars, vous avez toujours voulu faire des concours dans la vie, faire tirer, rendre les gens heureux. Ouais, c'est une de nos aspirations. Écoute, toujours voulu. Alors, c'est le temps de le faire. Vous allez faire tirer deux paires de billets pour chacun des deux prochains spectacles. Ouais. Un qui est samedi qui s'en vient. Samedi, c'est comme l'écoute de notre album là, au Divan Orange, le 11. Puis on va jouer une coupe de tunes, on va jaser avec le monde, boire des billets. Puis, ça va être le fun. Puis le 25 mars, c'est le show officiel de lancement avec Inepsy, Dirty Tricks puis Whiskey Trench au L Salon. Fait que la question pour gagner une paire de billets pour on le 11 ses c'est oreilles. C'est quel membre des Cowboys Fringants cassait la gueule à Fred au secondaire? 3-4-3, c'est ça. Quelle position qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue quand même? Son nom, je ne sais même pas, je ne m'en souviens plus. Et 3-4-3-2-4-7-6, vous avez la réponse et ça sonne déjà. On écoute Fifth Hour Hero. Good luck, nothing is changing. Goodbye, Ari.

non, non, bébé, non, des prostiputes. les prostiputes, disque, voyons, oui, groupe dont l'album a été réalisé par Hugo. Ouais, puis tapé par Baudet. Donc, double association avec St. Catherine's Yesterday's Ring. On est en train de faire le nouveau, là, justement. Ouais. On vient de le finir de taper, il reste le mix. Il me reste à le mixer, là, ouais. Donc, quand est-ce qu'on pourrait avoir une nouveauté là-dessus des prostituées? Je sais pas quand ça va sortir, mais... C'est dépendant quand ils auront du cash. S'il y a un label intéressé, vous devriez les contacter, ils sont vraiment très bons. Un bon record. Ouais. Donc, avez-vous intéressé, vous aimez le rock garage? Ben appelez les prostituées. Les gars, bon, la tournée part, le disque s'en vient en mars. Mais nous autres, on l'a déjà. J'espère pour vous. Nous, non, on l'a pas ici. On espère le recevoir assez vite. Il ne faut pas que vous les jouez avant que ça sorte, sinon vous allez tout ruiner notre réputation. C'est ça. Puis, on vous souhaite la meilleure des chances avec ce disque-là. J'espère vraiment que ça va être votre percée américaine, votre percée mondiale. Puis encore, je pense que c'est le temps de le faire parce que, veux, veux pas, on dirait que tout ce qui est achoché à Montréal dernièrement, ça devient quelque chose de renommée. Donc, vous pouvez peut-être rentrer là-dedans puis montrer qu'il n'y a pas rien que de la musique avec des violons à Montréal, mais il y a aussi de la grosse guitare sale. Ouais, ça, c'est bien vrai. Pas juste des loups, il y a aussi des chats. Exactement. Si on est capable d'aller en tournée, genre, puis d'en vivre, puis de payer notre loyer, là, ça va être bien beau. Ouais, ça va essayer de nous aider pour payer notre loyer. Achetez-nous un petit t-shirt de quoi, là? Donc, un t-shirt, vous allez chez votre disquaire préféré ou même au disquaire que vous aimez pas, vous achetez le disque le 23, vous allez les voir plusieurs fois en show. Même. Le 21. C'est un mardi. C'est toujours des mardis. Printemps. Donc, la journée du printemps, vous réveillez, vous brossez les dents, vous allez acheter le disque des St. Catherine's, puis vous passez une très belle journée. Ouais, les gars, on va écouter le dernier extrait. Ça va être « I'd rather be part of the dying bungee scene ». Because the punk rock sucks. Oh! Non, c'était cool, le bungee, dans le temps. Ouais mais ça pointe plus, là. Personne parle de ça. D'une falaise, c'est plus extrême, hein? C'est plus assez extrême. Non, mais tu sais, avant, tout ça, il y avait les grosses affaires à bungee, le monde, il se sacrait en bas de ça, mais là, c'est... T'allais au glissade d'eau, après ça, t'allais faire un petit saut de bungee pour 100$. Un petit saut de bungee. Fait qu'on aimerait mieux faire partie de cette scène-là, des fois. Ça serait mieux. Ouais. Moins de poseurs. Moins de maquillage. Poseurs de bungee, ça a l'air tough. Et moins de maquillage, en tout cas. Cool, man. Bon, ben les St. Catherine's, merci beaucoup. Hey, ça nous a fait plaisir, mon homme. Puis, venez au show le 25 mars. On va brûler ça, ce place-là, man. Samedi au Divan Orange, écoute et petite prestation. Puis, le 25 mars au El Salon, le lancement officiel Dancing for Decadence, les St. Catherine's. Ben du plaisir. Je te paye une billet. Merci, les gars. Salut. Ciao. Hey! Fait que, vrai? Ouais. Ok, cool. Ben, c'est ça, depuis septembre 2005, vous êtes le premier band québécois signé sur Fat Record. Bravo. Merci. Je voulais savoir, parce que ça, j'ai lu dans quelques médias comment ça s'était passé avec Fatman, etc. Je voulais savoir comment ça s'est passé, disons, la séparation avec The Art Care, d'ailleurs, que Hugo a co-fondé. Ouais. Ellie savait d'avance. Moi, quand j'ai arrêté de faire l'Air to Care, déjà, il y avait moins un peu d'intérêt pour moi à sortir des albums là-dessus. Okay, ouais. Ellie savait d'avance que le prochain 5-4, ça serait pas l'Air to Care. Ah ouais? Fait que peu importe si c'était Fat ou... On cherchait déjà d'autres offres. On avait déjà d'autres offres, puis c'était déjà mieux. T'sais, parce que l'Air to Care, veut pas, c'est quand même plus Québec, Montréal. Ouais, t'sais. Ouais. T'sais, nous, on est quand même pas un band local. Fait que, c'est ça. Le but, c'était quand même de trouver quelque chose. Ça permettrait plus d'aller aux États-Unis et en Europe. C'est ça, qu'une présence forte aux États-Unis, en Europe et tout. C'est que quand on va jouer, il y a des albums dans les magasins. Ouais. Pas que ce soit juste nous qui les vendons en show. Fait que déjà, c'était le but. Fait qu'Élie, il a juste été content parce que pour lui, c'est mieux parce que c'est le meilleur label qu'on a pogné. Fait que ouais. En même temps, ça va faire vendre des vieux albums. Ça c'est bien ça, fait. Quand même, il garde Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, fait que il va en vendre puis c'est bon pour lui. Il est bien content. Je pense qu'il voulait juste les meilleurs shows pour nous. Ben ouais. Puis, est-ce que vous avez eu du feedback là, du milieu, genre, les Safe Trees, ils se lâchent, personne? Pas tant que ça, non. Moi, je n'ai pas entendu personne. Bah, tu sais, je l'ai lu sur des message boards, tu sais. Ouais, mais ça, c'est du monde frustré dans leur sous-sol, c'est une autre histoire. Pas d'autres bands, pas de nos amis. C'est ça, que ce soit du monde de tous les autres bands, des acteurs de la scène. De la scène locale. C'est ça, ça. T'sais, on est plus impressionnés. Puis le monde sont plus contents pour toi, puis dans la mesure où est-ce que ça fait comme bon, enfin, t'sais, pour tout le monde aussi, ça leur fait un genre de petit espoir aussi en même temps, ben genre comme tu sais, la scène de Montréal, c'est un petit peu... C'est ça, c'est que ça permet d'ouvrir les portes aussi pour d'autres bands. Tu sais, pas, nous autres, on va parler d'autres bands en entrevue, on va, quand on va avoir la chance, on va pouvoir amener d'autres bands ici. Puis ça fait que je pense que le monde sont bien contents. C'est qu'on soit sur une affaire comme ça pour personne, tu sais, c'est au contraire, ça veut s'offrir une visibilité pour le monde qui nous découvre. Alors ça, ils nous voient, puis alors, ils voient bien qu'on aime... tel band, les Dirty Tricks, quoi que ce soit, puis après ça, ben, ils vont aller... Surtout que nous, on s'est toujours fait un devoir de faire ça, tu sais, mm-hmm. Peu importe, même si c'était dans le tag Dirty Care ou whatever, on s'est toujours fait un devoir de propser les bands locales, tu sais, quand on passe à la télé, tout ça, on met des shirts de bands locales, on fait exprès, tu sais, pour que, tu sais, les bands aient de la reconnaissance autant que nous, tu sais, ben ouais. On se pense pas comme meilleur que les autres, c'est nous autres qui le méritent, pas vous autres, là, tu sais. C'est ça, de faire profiter un peu l'autre monde. Tout le monde de ça, tu sais, c'est cool. Juste parler un petit peu, beaucoup dans ce bel album. Vous avez enregistré avec Alex Newport. Ouais. Je suis collaboré avec des gros bands comme At The Drive-In puis The Locust. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous tenez de cette expérience-là avec genre un meilleur budget puis un réalisateur, c'est plus expérimenté, disons, qu'est-ce que vous avez eu? Avant, c'était nous les réalisateurs. C'est ça, exactement. Fait que c'est plus relax dans la mesure où est-ce que on peut comme tout y lancer nos idées, on donne toutes nos idées, nos démos, tout ce kit, on dit nous autres, c'est ça qu'on a pensé. Toi, check ça, voir qu'est-ce que tu trouves qui est... T'sais, y a pas comme de décision à... Ben, tu sais, oui, on prend les décisions et tout, mais je veux dire, c'est pas comme de si tu correct, on aurait-tu faire ça ou quoi que ce soit. Tu sais pas, on proposait nos points et tout, l'impression d'être comme un peu un arbitre, t'sais, ça, tu casses moi la tête à comme trancher, tu sais, c'est comme... T'as comme quelqu'un qui est extérieur qui peut dire non, je pense vraiment que ça serait mieux de même. Mm-hmm. En général, on a essayé de respecter ce que lui disait, de l'essayer. Si on aimait ça, on y allait. Si on aimait pas ça, on y allait pas, tu sais. Puis, tu sais, le gars, il savait de quoi il parlait, puis il était très bon. Puis, en même temps, ça a fait qu'on s'est plus poussé dans. Il nous a plus. Que lui, il disait non, do it again. C'est comme. T'as comme pas le choix. Puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il nous a fait plus pousser dans le cul. Puis aussi, ah ouais, ce qui était bon, c'est que aussi, ça fait plus qu'on peut se concentrer sur. Oui? Je sais pas si j'ai assez d'argent. C'est combien? Une pour quatre ou deux pour sept ton chat parce qu'ils sont bons. Peut-être à deux, on est capable d'en acheter. Ouais, okay. J'adore faire mal les petits tombages. Ben non, c'est pareil comme toi. C'est juste que c'est un plus gros trou. C'est ça, mais ça fait pas plus mal, putain. Tu commences avec des petites puis tu échanges un peu plus grosses. C'est ça. C'est correct ça, quatre? Merci. C'est comme tu peux l'enlever, mais on tire en deux. En tirant-tu? Ouais, tu peux. Ouais, c'est ça. Allez! Carré. C'est mignon, ça. Ouais, c'est du chocolat, mon beau. Ouais, justement, un coup de petit dessert. Et voilà. C'est quoi qu'on tient? Ouais, ça, il, ça permettait de plus se concentrer sur ce qu'on a à faire, c'est-à-dire Baudet jouer de la guitare, moi chanter, Fred jouer de la guitare, au lieu de gentil comme que là, Pablo, il tape ses basses, puisqu'on est là. Non, non, c'est pas ça, t'sais, pendant que lui tapait, ben, c'est Alex qui s'en occupait, puis les autres, on joue aux jeux vidéo, t'sais. c'est comme moins stressant. Concentre sur ton rôle, tu fais ton affaire. C'est ça, puis moi aussi, c'était moins rushant parce que tu sais, quand on tape, c'est moi qui fais tout. Fait que là, je suis là tous les jours, dès qu'il y a quelque chose qui se tape, tout le temps que je fais. C'est ça, tandis que. T'entends moins tout à la longue, tu sais, tandis que là, c'était comme. C'est ça, je peux avoir plus de perspective aussi, puis pas rester toute la journée devant le tape, là, comme plus savoir à un moment donné, là, qu'est-ce qui se passe, c'est vrai. C'est le fun, on a bien, mais ouais, c'est le fun. Le son, c'est quoi que vous vouliez pour ce nouvel album? Ben, côté son, on s'était dit qu'on voulait faire un album plus straightforward, punk rock, tu sais, moins de gossage, moins de bout instrumental, moins d'expérimentation. Ok. C'est peut-être aussi un peu réactionnaire à tous les genres de groupes là, maintenant qu'il y a qui sont comme. Ouais, c'est ça. Jeunes, le genre de emo, nanana. Il n'y a quasiment pas plus de band punk rock. Là. On est en tournée, puis là, on voit plus de band punk rock. On est rendu où le punk rock? Il est rendu où comme. C'est rendu comme la musique, comme dans le temps, la musique qui est rapide, qui est le fun, qui n'y a pas de niaisage, qui n'y a pas de... C'est catchy, rapide, c'est punk rock, il n'y a pas de style de gimmick alentour. Fait que c'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire un peu avant d'être, avant de savoir qu'on serait sur Fat, on voulait faire un album classique punk rock, mettons, style années 90, comme ce que nous autres, on aimait les années 90, tu sais. Okay. Puis c'est ça qu'on a essayé de faire pour les thématiques, les paroles et tout, ben, c'était pas prévu, là, c'est que j'ai écrit sur ce... ce que j'ai vécu de hard jusqu'à là. Okay. Ça a donné le même. Parfait. Il y a eu des rumeurs. C'est vrai que vous pourriez enregistrer l'album à Baltimore, Cleveland, puis à Los Angeles, à part l'Esco, puis la bière. Qu'est-ce qui a fait que ça a été enregistré à Montréal? Plus un concours de circonstances aussi, parce que ça s'est fait bien vite, cette histoire-là, comme une signature. Genre, OK, vous allez au studio dans deux mois, tu sais. Ouais. Puis là, la plupart de ces studios-là, ils étaient déjà bookés quand ils voulaient qu'on ait enregistré pour la sortie. Okay. C'est que ça s'est fait tellement vite que ils étaient là, OK, vous allez taper à Chicago, là, ils appelaient, mettons, le gars, non, je peux pas, j'étais déjà ça. OK, Baltimore, non, j'étais déjà ça. Puis, à force, genre, c'est fait qu'il y avait comme rien disponible à part Montréal, tu sais. Okay. Le gars, lui, Alex Newport, ça l'intéressait même venir à Montréal. Là, il a checké, tu sais, comme les expliquer qu'est-ce que le studio avait comme gear, tout ça. Ouais. Ben, ça shootait, ma gueule. De 1-8 à 1-4 pour le brancher comme dans un Walkman, mettons. Ce qui rentre dedans, c'est 1-8, ça grossit un quart. Le trou, là, le trou 1-4 que tu rentres un jack 1-4 dedans, c'est qu'il y a un 1-8 que tu rentres dans un Walkman. Ça, je te parle. Il y a eu plusieurs changements dans le line-up au cours des années, comme il y a Guillaume Nadeau, ouais, qui a été dernièrement, qui a été remplacé par Pablo Boa, ouais, puis qui joue aussi dans les Yes Play Dream. Je veux savoir, Pablo, est-ce qu'il a mis quelque chose de nouveau au groupe, dans une nouvelle direction, un nouveau son? Ben, il a écrit des tunes sur le nouveau 54, ouais. Il y a au moins 3-4 tunes. C'est ouais. Ouais, ben, pas au son général, ben, les tunes qu'il a écrites. Évidemment, il y a même. C'est ça. Le changement de son, il vient plus de Rich, le drummer, je pense, ouais. Parce que c'est aussi un nouveau drummer par rapport à Art. Ouais. Donc, c'est le premier album qu'on fait avec lui. Puis lui, sa façon de drummer est juste différente. C'est un gars plus rock, carré, tu sais, plus rock, si on veut. Puis okay. ça fait que, comme il y avait moins, justement, ça nous a aidé un peu dans l'épuration, dans le moins de fla-fla, tu sais, plus de quoi de. En fait, c'est comme arrivé à. Simple. Comme le line-up qu'on a en ce moment, c'est comme arrivé à ce qu'on voulait, genre, depuis un bout, genre, tu sais, ce qu'on voulait, qu'on espérait pouvoir jouer, ouais. Mais que le line-up ne permettait pas nécessairement à jouer, tu sais, okay. En raison de, tu sais, juste les influences de certains, ou, tu sais, les intérêts, tu sais. Là, quand Rich est arrivé dans le band, tu sais, moi, c'était notre drummer de rêve, tu sais, comme il est arrivé, on était là, OK, enfin, on peut faire des tunes rapides, on peut faire des tunes plus rock, tu sais. Sans se soucier de l'ego de drummer, c'est là, ça, le gars, c'est un des meilleurs drummers que je connais, puis ouais. Il n'y a pas justement l'ego de drummer, comme moi, je ne pas ça, c'est un beat, j'ai entendu des millions de fois, quoi que ce soit. Okay, ouais. Lui, il est comme genre, il veut que la tune soit bonne, il veut que ça rentre, il veut que ça calisse, puis c'est juste qu'il va être super solide, tu n'as pas besoin de te soucier de s'il va se tromper ou non, c'est une rush, tu sais, c'est bien. Fait que c'est ça, puis ouais, je pense que c'est ça, là, le fait que tu sais, à ça, il n'y a plus comme de stinade ou quoi que ce soit pour les tunes, ou le monde arrive avec une tune, puis comme tout le monde l'aime, ça fait tout seul, ça colle tout seul, il n'y a plus de... Ouais, c'est comme arrivé à un point que c'est comme le line-up parfait qu'on a cherché un petit bout, là. OK. On a eu 12 membres à l'heure, quand même. C'est ça, quand même. C'est ça, quelque part. Là, c'est tout solide. Ouais, ben, j'espère. On croise les doigts. Je vais parler un petit peu de Yesterday's Dream. Mm-hmm. Tu disais dans Bang Bang de ce mois-ci, jouer du punk rock, j'aime encore ça, mais encore vraiment moins qu'avant. Les 5-4, c'est comme mon enfant, mon plus vieux, et Yesterday's Dream, mon plus jeune. Ouais. Te vois-tu genre laisser de côté les 5-4 rings pour te concentrer entièrement à Yesterday's Dream? Non, c'est pas ça. C'est justement pour que tu crois, c'est comme mon enfant plus vieux, c'est que. C'est juste une affaire de. J'ai moins. Je trippe moins punk rock que je trippais. OK. Puis là, je recommence à pogner comme la piqûre de faire des shows punk rock fort et tout ça, mais je suis comme dans une étape de ma vie que je suis pas mal plus stressé, puis j'ai comme le goût d'être plus mollo, genre. Puis en général, j'écoute la musique plus mollo. Jouer des shows de Yesterday Swing, ça me relaxe, tandis que jouer des shows de Sainte-Cap, tu sais, ça me fonce, genre, un peu. Mais là, je commence à reprendre goût, mais ce que je voulais dire, c'est que justement, tu sais, 5-4, jamais je vais. Moi, j'arrêterai pas le band. T'abandonnes pas ton enfant non plus. Ben non, c'est ça, tu sais, ça fait 7 ans que je le fais, puis tu sais, c'est moi qui Fred les seuls qui est là depuis le début. Ouais. Puis malgré tous les changements, toutes les merdes qu'on a eues, j'ai jamais lâché, tu sais, je lâcherai pas le band, c'est sûr. À moins qu'à un moment donné, justement, je chante totalement plus l'intérêt, là, je vais pas me mentir, puis continuer, tu sais. Ouais. Mais je pense pas que ça arrive, parce que tu sais, c'est ben trop important pour moi, tu sais, même si. Des fois, il y a des bouts que j'aime plus, il y a Yesterday's Ring, mais tu sais, genre, quelqu'un qui insulte 5-4, genre, c'est vraiment une grosse offense pour moi. Parce que Yesterday's Ring, je vais être, wow, tu sais, c'est mon side project, je m'en reste pas ça. C'est comme mon side project encore. Okay. C'est comme, non, c'est ben trop important, genre, ça arrivera jamais. Puis, c'est trop tôt pour en parler, mais qu'est-ce qui va arriver de Yesterday's Ring maintenant avec le contrat avec Fan? Ben, on continue. Fait que ça continue sur des trucs ou... Ben, ça, on sait pas, là, mais... Ça continue tout court. OK, cool. Je veux dire, on va jamais... Mais qu'on part en tournée, on va amener des guides acoustiques, on va composer, mais qu'on vienne, on va taper un album, comme on a toujours fait. Ça fait ça encore? J'entends beaucoup de rumeurs que genre le prochain album de Yesterday's Ring, ça serait genre plus encore. Bah, c'est une rumeur, mais c'est pas vraiment ça. On a un projet francophone secret qui s'en vient. Secret. Mais c'est pas Yesterday Drink. Ah, oh, ok. Plus qu'on a de band, plus qu'on est heureux. Ben, c'est bien. Faut s'appeler. À Montréal, ben justement, le fait qu'il y ait le hype sur le genre de indie rock, tout ça, fait qu'il y a sûrement plus de jeunes bands du genre qui se forment, tu sais. Ouais. Mais là, il y a quand même des bons bands, c'est comme les trois bands qu'on amène en tournée au Québec, c'est quand même Dirty Tricks, Inepsy, puis Whiskey Trench, là, c'est trois excellents bands punk rock, tu sais. Il y en a encore, tu sais, sauf qu'il y en a beaucoup moins. C'est comme moi, c'est pas en mode, en fait, le punk rock, tu sais. Okay. Puis, tu sais, nous, tu sais, même si là, on est sur Fat, puis tout, mais tu sais, on est quand même pas en mode, genre, c'est pas cool d'écouter 5-4, là, tu sais, c'est comme, c'est du punk rock, là, tu sais. Ben, tu sais, nous autres, on s'en crisse. Ben, franchement, là, tu sais, c'est comme. C'est tant l'affaire de cycle, hein. C'est ça, tu sais. Le punk rock, ça va, ça revient, puis ben, c'est comme tout, en fait. Là. Puis là, en ce moment, je pense pas que c'est fort sur le punk rock. C'est plus fort sur la musique indie et tout. Mais la scène punk rock, elle a. Elle est quand même en santé, et ça, elle mourra pas, puis tout. Les réseaux sont bien établis, les labels sont bien établis. Tout ça fait que comme la scène s'auto-suffit genre depuis longtemps. Là, même si ça n'a pas le hype. L'intérêt médiatique, le gros œil médiatique a tourné un peu du punk rock, mais le punk rock s'en fout tout, s'en crisse toujours autant. Ouais, ça peut quasiment être mieux de même. C'est quand t'as pas justement le support de la scène plus mainstream, ben c'est là que tu fais des meilleures affaires, souvent dans l'underground. Tu te rappelles aussi comment le monde chialait là, quand tout le monde du punk rock. Quand le punk rock a commencé à devenir big. Quand Green Day c'était énorme, tout le monde chialait parce que le punk rock était big. Fait que ça a descendu, on va pas chialer parce que tant mieux. C'est quand ça reste dans le monde, tu sais, qu'ils comprennent plus, puis qu'ils viennent de là, puis qu'ils comprennent l'histoire, puis qu'ils comprennent la tradition, je pense que ça reste mieux, tu sais, c'est... Dans ça, le monde chiale ses groupes à maquillage. Bon. Ouais, ça va à peine de chialer. Ben ouais. Chemical Romance, c'est Roche. Ça, je pense que le dos de Fall Out Boy s'est fait pogner avec des photos sur son cellulaire, de lui à poil, puis s'est fait taquer, puis s'est rendu sur Internet. Ah ouais? Pete Wentz? C'est quoi ce Fall Out Boy? Je sais pas, je connais pas. Je connais pas les noms des gars. C'est quoi qu'il avait sur son photo juste cellulaire? Juste lui à poil. Il était juste à poil. C'est ça, genre. Ouais, tu peux envoyer cellulaire. Ça à ta blonde. Un truc genre, lui à poil, puis je sais pas, quelqu'un réussit à hacker son téléphone. Est-ce que c'est vrai? On sait pas, mais. Ouais. Est-ce que tu vouloir, hein? Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas qu'il y ait des photos de moi à poil, c'est une merde. Il y en a pas déjà? Ça me colle. Hey, on va parler de tournant un peu. Vous tournez en tournant oui. À travers le Québec, dans les States, après ça l'Europe. C'est vraiment pas des chanceux, des dérivants. Ouais. Tu parles d'équipement. Je veux savoir maintenant que pour revenir avec l'étiquette, est-ce que vous allez avoir un meilleur encadrement en tournée avec Fat? Ouais, ben c'est que... laisser pour compte? Non, il y a plus de support. Ben, surtout que là maintenant on a un booking agent, genre. Okay. Ah. Qui a pas rapport avec Fat, mais qu'évidemment, parce qu'on est sur Fat, on n'a pas qu'un booking agent. Ben ouais. Fait que maintenant, on s'occupe. Moi, avant, je bookais tous les jours, toutes les tournées. Là, je fais plus ça. C'est quelqu'un qui s'en occupe. Fait que ça fait qu'on a des contrats à chaque jour. Fait qu'on se fait pas fourrer. T'sais, on a des détails, c'est comme bien fait. T'sais, on n'arrivera pas. Genre, ouais, finalement, le club, il n'existe plus. Là, des marques de même, là, qui est arrivé souvent. Okay. Puis, en plus, ça fait que si on est dans marque, ben on a du monde qu'on peut appeler pour nous aider. Dans marque, puis on appelle Fat pour dire, ouais, ben là, on est pogné là. Ben, t'sais, ils vont nous envoyer du cash. Là, c'est comme, ils vont pas nous laisser crever. Là. Fait que oui, ça va être mieux, c'est assuré. On l'a pas vécu encore, mais je serais prêt à gager pas mal. Ouais, je sais pas que ça arrive pas. Ouais, là, c'est sûr. Ben, ça va sûrement arriver encore des vannes qui pètent. Ah, oh, c'est sûr, c'est fait pour ça, les vannes. Du gear volé, on risque d'en avoir encore et tout. Essayez de pas en avoir trop. Parce que c'est juste que t'es moins laissé à toi-même là-dedans. T'sais. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, là, au moins, il y a comme de quelqu'un à dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, on peut dire, qu'est-ce qu'on fait, puis peut-être avoir peut-être un semblant de réponse, là, quelque chose. On vient vous chercher. qu'on a parlé du vol d'équipement puis les bris de vente, c'est juste pour les lecteurs, là, un exemple de la pire marque que vous avez en tournée, ça serait quoi? Qui nous est arrivé dans le temps, là, que ça fait un bout, c'est quand même terrible. On venait genre de peut-être un mois et demi de tournée, puis la vanne a lâché peut-être à genre une heure de Montréal. OK. Là, on l'a laissé là, on est parti sur le bus, genre moi puis Simon, notre ancien guitariste, puis les autres, c'est deux groupes séparés. Là. OK. Il y a du monde qui partait avec le CA. Ouais, il y a du monde qui partait avec le CA. Puis là, nous autres, moi puis Simon, on marchait, on faisait du push toute la nuit. Ouais. On s'est jamais fait pogner. Jamais, là. Là, à un moment donné, on s'est couché, moi puis lui, dans le fossé. On s'est, genre, il y avait comme un gros go-kart gonflé, genre, parce qu'il y avait une piste de go-kart. On s'est couché là-dedans. Là, le matin, genre, il faisait fret, c'était genre l'automne. Là, on est allé se coucher dans le fossé. Là, après ça, le soleil est arrivé, là, à un moment donné, ça faisait genre 14 heures. On a continué à faire du pouce, aucune réponse. Ça a été jusqu'au soir, tu sais, l'autre soir. Là, c'est la police qui nous a pognés. Ils nous ont genre mis menottes, puis tout. Genre, fouillés, genre, tu sais, parce qu'on était des criminels. Puis ils nous ont genre drivé jusqu'à un genre de rest area, tu sais, 10 minutes plus loin. Puis là, Simon, il a appelé sa mère, puis elle est venue nous chercher, genre, à 45 minutes de Montréal. Là. On a passé deux jours sur le bord de la route. À une heure de Montréal. Ouais, c'est long marché, man, tu peux pas savoir. Non, mais ça, c'est sûr. C'est moi, genre. Une heure sur l'autoroute, là, c'est un bout, là. Moi, je mange pas de McDo pour faire de même, là. Puis là, on voyait, man, le M du McDo, là, genre, l'autre petit bout, là, puis là, on marchait. Après, genre, 4 heures, on s'est rendu, je me suis pogné une frite, là, j'étais genre, quelle honte. J'ai mangé au McDo, Ah, mon Dieu, c'est excellent. Okay. Tu retournes chez vous pour me dire, là, tu prends une douche puis tu broyes dans la douche. Tu te demandes pourquoi. Là, ta mère, là, pis la tournée. Malade, maman. On n'en parle pas. T'es cool, maman. Mon fils, c'est une rockstar. Ben, c'est cool. Ben, moi, c'est tout pour moi. All right. Ben, merci beaucoup. Plaisir. C'est toi. Sympathique. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme.